au chrome, au chrome. Je fais un quart de tour et je tape des barres de fou. Quand je prends ta tête pour une balle de fou, je veux niquer le quart de hnouche. Prendre des barres de fuel, niquer le bénef dans des rails de genoux. Elle veut au rap de Snoop. Bébé, je me gratte le spoof. Sorti des ténèbres pour les rats du dessous. Enlève tes sales dessous. Chez nous, ton sac dessous s'apprécie comme un bon plat de dessous. On aime les tracks dessous, ma gueule. Quelques grammes de seum et on s'arrache pendant que Chirac se saoule la gueule. J'arrive du bloc, fini les pots sur ta femme. C'est les vautours de Saddam en direct des faubourgs Paname. D'organes, bien que je t'arrache le cœur. Parfois le cœur parle alors que le pas comme une girl. Éternel loser, fouteur de troupe, 12 heures debout quand c'est l'heure de troll en 12 heures. Bébé, ce soir tu rentres en string, fais pas ta folle. La retranspire ce qu'on vient retranscrire en métaphore. Mille et une raisons de pas la perdre. On garde la pêche, frère, lâche pas, y'a toujours de la fête. Ça, c'est la tsunami, rap tsunami. Pendant qu'à l'est des pyramides, c'est dynamite versus tyrannie. Et se met à la vie à désert fauva. Y'a plus que deux camps, le nôtre et celui de Terra Nova. On vit la nuit, la rétine plongée dans le vide. Collé à son pire ennemi avec une hagra dans le beat. On sait qui jase en cas de Rossi. Attrape une arme de Rosie. Venge-toi comme John Abrosi. Malice, un peu de chiche dans les veines. Dis bien aux gosses de riche qu'on se fera purcher dans les verbes, ok. La fosse commune nous saute aux yeux. L'état nous pisse dessus. Alors mets-leur avant de rejoindre les cieux. Je vénère que Dieu, la haine envers le feu que. Enfant de la banlieue, on sera toujours mieux que. C'est la race qui nope. Qui vient cracher les douilles? Appelle-moi Parache, des coffres, viens pas me casser les couilles.